toujours à la mode. Ils allient dans la vogue. Potika coton en mapona zali dans le vent. Azali kitoko, soki akoleka, akodenda mpeo, soki akoseka, mibali bakwe karo. Hippolyte. du tabac.